désert en pleine obsession. Libre comme l'air pour oublier rancœur et contrefaçon. Se relever d'une hésitation, les yeux tournés vers les virages, sans qui et qu'en dira-t-on. Choisir pour nous le meilleur et le pire.